On est dans le bain depuis l'époque. On connaît la valeur du bif, mon clac. Musique à fond dans le RS Black. Les cités de France sortent du bloc. On danse le mi à cause ça sonne un peu funk. Jamais sans verre ou sans skank. J'arrive du futur comme Arnold. Balek d'être à la mode, j'casse les codes. Pour faire du bif, on n'a pas changé de méthode. La quiche est large, comme la jante. Bendo et studio, ça reste la vente. Connexion fibrillard, pas de latence. Bébé, t'es bien installé. T'en fais pas, y'aura pas de malaise. Dans la suite, on va se mettre à l'aise. J'ai de la filtre et j'ai de l'amnèse. Elle m'a déjà travaillé. Elle peut compter ma maille. Elle m'a déjà travaillé. Oula, oula, oula, bah ouais. Elle m'a déjà travaillé. Elle peut compter ma maille. Elle m'a déjà travaillé. Oula, oula, oula, bah ouais. J'ai ma quichta, ce soir on crame ça. Carré VIP, on allume un feu de camp. Trafiquant, c'est la cahier. Full élevé. Oula, oula, oula, bah ouais. J'ai ma quichta, ce soir on crame ça. Carré VIP, on allume un feu de camp. Trafiquant, c'est la cahier. Algérie, Oran, Congo, Kinshasa. Faire de la moula, toute façon, j'suis bon qu'à ça. Classe à RS3, ma chérie, RS calme. Garage et c'est bon, tu peux Shazam. Frappe de Lewandowski, grosse frappe de Zlatan. J'préfère quand t'achètes, j'aime pas quand tu jactes. Fais du bif au black, ça finit au plaque. Veskill bat, la coke se transforme en crack. Comme un tartin de Zipola, ça va tarpin vite. Mon cousin, bois un coup, c'est moi qui t'invite. Jamais ta vie, j'repartirai d'ici le ventre vide. J'prends des sous pendant, avant, après le Covid. Bébé, t'es bien installé. T'en fais pas, y'aura pas de malaise. Dans la suite, on va se mettre à l'aise. J'ai de la filtre et j'ai de l'amnèse. Elle m'a déjà travaillé. Elle peut compter ma maille. Elle m'a déjà travaillé. Oula oula oula bah ouais. Elle m'a déjà travaillé. Elle peut compter ma maille. Elle m'a déjà travaillé. Oula oula oula bah ouais. J'ai ma quichta, ce soir on crame ça. Carré VIP, on allume un feu de camp. Trafiquant, c'est la cahier. Full élevé. Oula oula oula bah ouais. J'ai ma quichta, ce soir on crame ça. Carré VIP, on allume un feu de camp. Trafiquant, c'est la cahier. Ouais. Et j'prends la gauche, descends sur Cannes. Hier j'étais à Amsterdam. J'fais un bisou à madame. Oula, oula, oula, bah ouais. Et j'prends la gauche, descends sur Cannes. Hier j'étais à